Compliment pour maman Fernand, mais font ça tout pas son silo. Haïti, maman chérie, va me chercher pour nous jouir la vie. Compliment pour maman Fernand, mais font ça tout pas son silo. Haïti, maman, va me chercher pour nous jouir la vie. Haïti, maman, va me chercher pour nous jouir la vie. Pour chrétien vivant.